se dit donc spät. Spät, ça s'écrit S-P-A-Umlaut-T. Spät. À vous de le dire. Spät. Spät. Et donc, il est très tard, se dira. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät. Pour dire plus tard, il suffit d'ajouter er à la fin du mot pour dire tard. Später. Später. Alors, comment dit-on plus tard? Später. Später. Très bien. Et quelque chose, nous l'avons vu auparavant, se dit etwas. Etwas. Etwas, oui. Etwas a aussi le sens de un peu. Par exemple, si vous voulez dire un peu plus tard, etwas später. Etwas a donc aussi le sens de un peu. Appeler. Appeler en général se dit rufen. Rufen. Rufen, ça s'écrit R-U-F-E-N. Rufen, c'est appeler. Mais appeler au téléphone, téléphoner, se dira anrufen. Appelez Anne au téléphone. Vous ajoutez Anne, A-N, à rufen, et vous obtenez anrufen. Anrufen. Il faut bien insister à l'oral sur la première syllabe, sur Anne. Anrufen. Par exemple, comment direz-vous « Pouvez-vous m'appeler plus tard, s'il vous plaît ?» Können Sie ? Können Sie ? Oui. Mich ? Très bien. Mich, car on ne dit pas « appeler à quelqu'un », mais bien « appeler quelqu'un ». On a donc « mich ». S'il vous plaît. Mich, bitte. Plus tard. Später. Appeler. Rufen. Oui, mais ici, il s'agit d'appeler au téléphone, d'appeler notre amie Anne. Anrufen. Können Sie mich bitte später anrufen? C'est ça. Können Sie mich bitte später anrufen? Anrufen. Insistez bien sur an. Können Sie mich bitte später anrufen? Et pour dire c'est trop tard, on utilise zu, qui veut dire trop. Donc, comment diriez-vous c'est trop tard? Es ist zu spät. Oui, es ist zu spät. Et quand on dit trop, zu, c'est le même zu que celui qu'on emploie avec l'infinitif des verbes, lorsque ceux-ci sont placés après un nom ou un adjectif. Par exemple, dans zu tun. On avait également déjà parlé de zu dans zu Hause, à la maison, zu Hause, par opposition à nach Hause, comme dans aller à la maison, nach, nach Hause. Nach a plusieurs sens et peut aussi vouloir dire vers. Par exemple, après un verbe comme aller, aller vers, c'est gehen nach, mais uniquement si on marche. Si on se déplace autrement, par exemple en voiture, on dit fahren nach. Fahren. Fahren, ça s'écrit F-A-H-R-E-N. Fahren. C'est effarant de rouler ainsi. Donc, si vous voulez dire « je vais à Berlin », ça sera « ich fahre nach, nach, nach Berlin ». Ich fahre nach Berlin. Donc, nach, c'est vers, aller vers. Nach. Si je veux dire, je vais en Allemagne. L'Allemagne se dit Deutschland, où Deutsch signifie allemand, et Deutschland, c'est le pays allemand ou le pays des Allemands. Deutschland. Donc, je vais en Allemagne se dira Ich fahre nach Deutschland. Bien. Ich fahre nach Deutschland.